Ok. Tiens, je te donne la parole, Seb. Vas-y. Bonjour, messieurs, dames. Il se passe que je me présentais quand même, Sébastien, qui est, entre guillemets, organisateur à nuit debout pour le refus de la misère. Je vais vous expliquer un petit peu depuis. Je vais un petit peu dire depuis quelle date et quelle année le refus de la misère a été voté, par qui a été créée cette journée mondiale et quels sont les points principaux qu'on pourrait travailler tous ensemble et remettre en évaluation le mot solidarité. Voilà. Alors, il se passe que la journée mondiale du refus de la misère, à la base, c'est tous les 17 octobre depuis 1987, où les défenseurs des droits de l'homme et du citoyen de tous les pays se rassemblaient tous les ans au Trocadéro. C'est à peu près environ 100 000 personnes chaque année qui viennent sur le parvis du Trocadéro en mémoire de cette solidarité pour le refus de la misère. Alors, il se passe que la personne qui a créé ça exactement, ça a été Monsieur Joseph, c'était un père, et il s'appelle Joseph Wresinski, qui tout simplement a rencontré, est venu comme beaucoup de personnes qui ont été dans le moment solidaire après ce refus. Cette personne a rencontré beaucoup de personnes, dont un très grand et très gentil monsieur qui est décédé en 86, qui s'appelle Monsieur Coluche, et qui a et vu que ce père avait pas mal vu le passage de la rue, les difficultés qu'on peut avoir, tout simplement, il a décidé de présenter en 87 la journée mondiale du refus de la misère, mais exactement, le refus de la misère a été donné par l'État européen, en fait, par le gouvernement européen, ainsi que les droits de l'homme et tout ça. Il a été exactement mis en place en 92. Alors, déjà, les tout premiers points qu'on pourrait travailler ensemble, et je pense que ça serait pas mal que je fasse point par point et que je laisse le micro pour débattre en même temps. Alors, le tout premier point, les personnes de la rue sont les premières actrices et acteurs de la journée du refus de la misère. Ils prennent enfin le droit d'être visibles aux yeux des autres. Alors, par rapport à ce point, tout simplement, il se passe que le refus de la misère, c'est 365 jours pour des personnes qui dorment dehors sur un banc, sur un bout de carrelage, sur une terrasse de restaurant quand il est fermé ou quelque chose comme ça. Et simplement, on essaie chaque année de montrer aux gens que, au moins, nous-mêmes, si on est vraiment dans la grosse misère, on est quand même des êtres humains. C'est-à-dire que tous les ans, on devrait, tous les jours, au lieu de se dire, c'est une journée par an le refus de la misère, non, c'est pas une journée par an, c'est 365 jours par an. Et ça permet de pouvoir être visible. Mais la visibilité, pendant 364 jours, cette visibilité n'existe pas. Cette visibilité envers le peuple ne fait plus attention pour une seule et bonne raison. Beaucoup de personnes agressives ou quelque chose comme ça, beaucoup de sollicitations au niveau mendicité ou autre chose. Et c'est pour ça que les gens, ils ont un petit peu le recalage des personnes de la rue. Alors, le deuxième point aussi, les droits des citoyens et citoyennes dans la misère sont sans cesse violés. Cette situation est antidémocratique. Alors que le citoyen, la citoyenne qui connaît la misère se fait souvent violer pour certaines choses, dont petite visibilité qu'il y a eu hier. Bon, il y a eu quelques personnes qui ont réellement vu ce que nos amis les forces de l'ordre, merci Monsieur Cazeneuve, bien sûr, se permettent de faire directement. Alors, on est là, nous en fait, l'organisation Refus de la misère qui a été faite par Boris et du peuple, Alan qui est au niveau de l'accueil, Il y a eu aussi Daniel. Il y a eu beaucoup, on était à peu près même pas une dizaine à s'en occuper. Il se passe que la solidarité, on l'a remarqué, vraiment à une très très basse échelle. Parce qu'il faut savoir que ça fait depuis vendredi qu'on est en train de camper sur la place. On n'a pas lâché la place, on reste sur la place. On a essayé, on a monté l'étoile à la première nuit, vendredi soir à samedi soir, on a montré l'étoile de tente. Et on avait deux, trois bâches déjà à hauteur. Merci à Bruno quand même d'avoir fait ce geste-là. Et il se passe que après, au bout de 2h, 2h30 du matin, ben on était combien ? On était 5, 6, avec trois toiles de tente. Mais 5, 6 personnes qui luttent pour une cause de solidarité, bah il se passe que c'est pas suffisant. La suffisance, ça aurait été pas mal que tout le week-end, en fait, on puisse faire comme place des fêtes vont faire ce soir, un grand barbecue avec une occupation de la place pour toute la nuit. C'est-à-dire ils organisent directement, ils sont même pas organisés, ça a été fait du jour au lendemain et c'est magnifique. Merci à place des fêtes. Et il se passe qu'à Paris, pourtant c'est une grande ville, et j'ai pas vu une personne, un patient principalement, un patient venir et dire, bon ben voilà, vous faites quoi ici ? Bah on campe pour la refuge de misère. Et j'aurais bien voulu avoir pas mal de personnes qui viennent me dire, bon ben voilà, je vais rester avec vous parce que c'est hyper important. Mais non, pourquoi ? Parce que simplement le peuple qui est du moins dans la précarité, mais pas au point d'une grande misère, simplement à son petit confort, vu qu'il a son petit confort, bah, je préfère dormir sur un matelas au lieu d'aller dormir avec un sans-logis qui tout simplement se pète le dos 365 jours par an. Mais quand même, merci. Alors, voilà pourquoi j'ai dit ça, je vais vous expliquer, c'est le troisième point. Et ce troisième point, c'est union nos forces sans hésiter pour que le regard se transforme en regard de toutes et tous, de tous les exclus. Après, nous, pour cette journée-là, depuis 29 ans maintenant, voire plus, tout peuple, en fait, tout le peuple mondial fait une demande de reconnaissance de cette journée mondiale. Et demande une solidarité de tous. C'est-à-dire que vous allez travailler ou pas travailler, demain à 14h jusqu'à 21h, il y a une cérémonie pour cette journée-là sur le parvis du Trocadéro. Il se passe que oui, je comprends qu'il y a des gens qui vont travailler. Bon, excusez-moi si vous êtes exploité, je suis désolé, entre guillemets. Et je dirais que tout simplement, au lieu d'aller travailler, bah, faudrait qu'on se dise, qu'on appelle son patron et dire à son patron, bah voilà, désolé, je pourrais pas aller travailler parce que j'ai envie d'être solidaire avec avec le refus de la misère. Il se passe que même des personnes que j'ai rencontrées sur mes années précédentes de la rue, j'ai toujours posé la question à des personnes qui passaient devant moi, excusez-moi, est-ce que vous connaissez la date du refus de la misère ? Alors, j'ai demandé à ceux de se rapprocher, comme ça tout le monde pourra venir. Et ceux qui connaissaient la date à la base, sans que je le dise, levez la main. Une personne. Ceux qui ne connaissaient pas la date, levez la main. Alors, est-ce que vous savez pourquoi ? Ben, je vais vous le dire. Tout simplement, vous allez faire des études, passer un BTS, un bac pro ou n'importe quoi, mais dans vos bouquins, c'est que de la connerie. Les bouquins qu'ils vous donnent, c'est que de la connerie du tout, complète. Il se passe que derrière, cette connerie fondamentale qu'on vous inculque dans vos têtes, bah, n'existe pas. C'est employé pour pouvoir dire, bon ben bah, voilà, on t'a appris quand même quelque chose. Et ça c'est triste qu'à l'éducation nationale, ils ne font pas une fois par semaine une étude sur l'histoire du refus de la misère, pour apprendre aux gamins la date, qui est-ce qui l'a créé, tout ça. Parce que quand on peut voir qu'on est quand même, on est je ne sais pas combien de milliards dans le monde entier, On est 68 millions de Français au total sur sol. Il se passe que 68 millions de Français, ça pourrait être un capital complètement magnifique pour le refus de la misère, parce que déjà, c'est 5 000 à 90 000 personnes qui se réunissent chaque année. C'est très peu sur des milliards et des milliards de personnes mondiales. Et moi, je dis, c'est quand même honteux que depuis maintenant 29 ans, on reçoit sur le parvis du Trocadéro 100 000 personnes pour se rallier, se tenir dans les mains, se dire on est solidaires tous ensemble et on refuse la misère. Mais pour moi, je ne sais pas ce que le peuple règne déjà en France. Je ne sais pas ce que le peuple français décide. Parce qu'on dirait que quand on voit quelqu'un dans la rue, moi-même qui était salarié à l'époque, quand je voyais quelqu'un, j'osais le regarder. Maintenant, quand on va regarder quelqu'un, ça veut dire « Ah non, désolé ». Pourquoi penser « Ah non, désolé ». Regarder une personne, lui dire « Bonjour », ça coûte quoi? Ça vous coûte pas le billet de 500 dans la poche arrière? J'espère pas quand même. Bah, c'est ça le truc. C'est parce que voilà, il y a des gens maintenant, ils ont tellement le regard de la façon d'être regardé par le peuple, que tout de suite, on va lui dire, on va à peine dire bonjour, ah non, désolé. On va lui demander l'heure, ah non, désolé, je suis trop pressé. Faut quand même, on est né pour pouvoir vivre, on vivra le temps qu'il faudra, mais faut arrêter de stresser. Le stress, nous, on pourrait l'avoir aussi. Vous savez, il y a des gens dans la rue, quand ils vous regardent, et moi le premier, je rigole. Je rigole. Il y a même un jour, un matin, on était plusieurs, souvent à Orange, derrière vous, et un matin, je me réveille, et, j'étais avec les collègues, on était en train de rigoler. Et puis d'un seul coup, je vois le métro qui arrive, bon, les gens qui sortent de la bouche de métro, puis je vois entre, et puis je me dis, mais merde! Mais on n'est pas au pôle Nord encore. Il n'y a pas encore de pingouins sur la place. Pourquoi? Parce que vous ne prenez pas le temps. Vous êtes en groupe, complètement focalisé sur un truc, et regardez autour de vous, vous ne savez pas le faire. Ce qu'on appelle avoir des œillets. On n'est pas des animaux, on n'est pas des chevaux pour mettre des œillets quand même, je rassure. Alors voilà, moi, le mot qu'on devrait réapprendre ensemble, et je pense que on pourrait faire un petit peu... un petit exercice, comme avait fait Monsieur Jeff. Approchez-vous, hein, les gens. Approchez-vous, Monsieur Damin. Alors, tout simplement, le petit exercice que je vais créer. Bon, on est quelques-uns. Vous allez tous vous lever. Tout le monde va se lever. Et vous allez voir les personnes que vous ne connaissez pas. Et vous dites bonjour. Ou vous repassez, et vous passez à côté. Ou sinon, vous la regardez pour voir comment elle va ressentir la chose. C'est-à-dire, regarder en snobant la personne. Je vous laisse aller. Un petit exercice de la personne de la rue. Est-ce que vous pouvez voir quand vous snobez une personne comment ça fait? Snobber une personne, c'est de regarder une personne de la tête aux pieds et se dire dans sa tête, voilà, il n'a pas la même tenue que moi, bah, tout simplement, il est beaucoup plus profond que moi. Simplement, c'est ce mot-là. Et il se passe que c'est très dur quand on est snobé, parce que voilà, on est soi-disant pas dans la même catégorie, parce que voilà, on est dans la misère complète. Bah, ça fait énormément de mal. Et aller des fois de temps en temps dans les beaux quartiers de Paris, 16e arrondissement, les petits quartiers de bourgeois, bien sûr, de bobos, et regarder un petit peu les gens qui passent dans la rue, et regarder un peu comment ils sont. Ou sinon, amusez-vous un jour, on va dire pendant un week-end, pendant une heure, deux heures d'affilée. Vous posez normal sur un banc, sur un bout de trottoir ou un truc comme ça. Et vous allez voir les gens quand ils passent comment ils sont. Je peux vous laisser faire le test la prochaine fois et revenez me voir par la suite. Alors maintenant, on va repartir sur le dialogue. Voilà. On a fait le petit point 5 qui était dialoguer, échanger et converger sans prioritaire. Après, sixième point, on s'est organisé sans tarder pour rencontrer, pour apprendre à nous connaître et pour commencer ici à mieux connaître la misère. Simplement, la connaissance, c'est simplement la solidarité et le respect de l'être humain, c'est-à-dire un simple bonjour ou quelque chose comme ça. Et puis, le septième point, c'est tout simplement, cette journée, en fait, est créée pour, pour un emblème historique, où là, j'ai voulu quand même le faire, quand même, place de la République, qui est quand même une place très importante. Et pour simplement faire venir les gens au maximum à venir s'ils veulent ce soir venir dormir avec nous comme depuis vendredi on le fait, et je pense que vous allez vous poser d'autres questions derrière, parce que simplement faut pas écouter parce qu'il y a le cerveau, je suis d'accord que le cerveau ça enregistre ce qu'il entend, mais c'est surtout de prendre une conscience vraiment morale. Une conscience de pouvoir se dire, putain, j'ai dormi cette nuit dehors. Et franchement, je l'avais jamais fait. Et puis voilà. Ce qui s'est passé avec quelques personnes qui sont dans les parages. Et puis, le huitième point. Sur la place, on a voulu créer un partage et une union d'outils communs, une connaissance, c'est-à-dire il y en a qui m'ont appris par rapport à la finance, moi j'ai appris par rapport à la solidarité. Il y a d'autres personnes qui m'ont appris sur leur passé, parce que c'est des anciens. Ça m'a appris aussi. Et puis c'est très important d'écouter beaucoup des anciens. Les anciens qui ont vécu, qui ont entre 70 et 80 ans, peuvent vous dire et vous confirmer la misère qu'il y avait auparavant, qui n'était pas du tout pareil, je pense. Alors, au moment que, tout simplement, on va passer sur le sujet, qu'est-ce qui n'est pas par rapport à la face de la misère? Ce n'est pas parce que vous nous voyez une personne dormir sur un banc, sur un trottoir ou dans une tente, que ce n'est pas un humain. Souvenez-en vous. C'est en faisant un premier pas vers les plus pauvres qu'on commence à agir. Il suffit d'une parole chaleureuse, d'un sourire ou d'un peu d'écoute pour quelqu'un retrouve sa dignité. Qu'est-ce qu'il faut changer par rapport à ça? Très simple. Comprendre quelle est la vie réelle de ceux et de celles qui souffrent de la misère. De réunir, de se rapprocher, de solidarité est fondamentale. Alors tout simplement, il y a aussi une personne qui vient de venir, là, il vous invite à venir sur le stand de l'accueil pour récupérer des tracts. Avec le petit texte. Et Boris, tu peux aller me chercher le petit tract où il y a les horaires. Parce qu'on a eu un choc heureux d'une personne qui s'est, entre guillemets, mis à pouvoir nous aider. Et en nous aidant, en fait, il s'est passé qu'elle a donné des petites idées pour pouvoir fabriquer. Et puis en fait. Tiens, donne-moi à l'intérieur. C'est le truc à l'intérieur que je veux. Et en fait, je vais vous lire quelques points que Nuit Debout a. Que Nuit Debout Convergence, hashtag convergence des luttes, hashtag refus de la misère. Il se passe que pour que la population précaire gagne sa dignité, c'est-à-dire nous tous, on devrait dire non aux violences d'État, non aux expulsions. On devrait dire oui à la réquisition des logements vides, un décret de 1945. Pour rappeler, quand même, je vais vous rappeler, si, est-ce que vous avez entendu dernièrement les Emmaüs, qu'est-ce qu'ils ont balancé par rapport au nombre de personnes qu'il y a en France totale de SDF et le nombre de logements vides. C'est assez énorme, 3 500 000 logements vides en France pour 145 000 SDF. Je pense que ça pourrait être à peu près 6 appartements pour une personne, je pense, à peu près. 17. Imaginez 17 appartements pour une personne. Ils disent qu'il n'y a pas de logement. Si, il y a du logement. Il y a du logement. Mais le problème, tous ces logements sont rachetés par qui ? Par notre cher et grand capital. Alors, en même temps, il faut savoir que le petit message que vous voyez sur la petite feuille qui est à l'intérieur, c'est un poème qui a été écrit par une personne, on va quand même dire son nom, qui s'appelle Vidya, et qui a écrit comme ça, « Vous qui regardez devant moi, sans crainte, regardez-moi, juste un sourire, juste une parole, apporte un grand soutien. Peuvent sauver du désespoir, voire du suicide. Fraternité avec les déshérités de la vie, avec les sans-logis, avec les sans-patrie. Peuple dans la misère matérielle, mais la richesse du cœur. Nous ne demandons qu'un peu de considération pour juste du bonheur. Rêvons d'une chaîne humaine. » Et ce message veut beaucoup dire beaucoup de choses. Je ne sais pas s'il vous parle un petit peu, mais réfléchissez bien en regardant entre les lignes. Après, là, je ne sais pas si j'ai... Ben, je sais plus si j'ai encore du temps ou pas. Alors, il me reste encore 5 minutes. Bon. Moi, je vais vous dire merci quand même. Je vais dire principalement merci à ceux qui m'ont aidé sur tout le week-end. On peut les applaudir aussi. Ils sont pas tous là, mais il y en a quelques-uns quand même. Surtout, principalement, on va appeler les copains. Mathieu. Il y a Fredo qui est normalement sur le côté accueil. On peut le remercier aussi. En fait, on va remercier tous ceux qui se sont démenés à pouvoir travailler et devenir et pouvoir accompagner une solidarité. Et moi, je vais vous inviter dès maintenant à pouvoir venir dès ce soir, rentrer chez vous, ramener une toile de tente, un duvet. C'est pas grand-chose, c'est pas grand lourd. Et juste dormir une nuit avec nous, pour juste que vous voyez comment ça se passe. C'est pas si facile, peut-être, de prendre la décision, mais cette décision, il faudrait la prendre. Parce que si on arrive à plus de 200 à camper sur la place, je peux vous jurer que ce qui s'est passé hier cette nuit, comme ce qui s'est passé hier matin, les expulsions, la répression policière qu'on vit, vous allez l'avoir de vos propres yeux. Et ça, c'est grave. Parce que ça, on n'entend pas à la télé. Bon, maintenant, je vais passer aux questions-réponses, s'ils veulent, si les gens veulent. Alors, qui veut parler en premier ? Pour les tours de parole, me faites un signe et je avancerai après vers vous. Oui, donc, moi, je voudrais suggérer quelque chose. C'est que pourquoi dans le calendrier, la date pour la misère n'apparaîtrait pas ? Donc, peut-être voir de quelle manière ça peut apparaître dans un calendrier. Parce que, bon, tout le monde a le calendrier, tout le monde a l'agenda. Donc voir si ça peut être mis en place. Et par contre, moi, je veux bien aborder ce que je fais quand je donne un chèque déjeuner. Je ne donne pas un chèque déjeuner comme ça, de main à main. Je dis toujours à la personne, bon appétit à vous. Voilà. Je ne sais pas. Réponse directe. Alors, quelqu'un va encore parler. N'ayez pas peur. Tu veux parler toi ? Approche-toi s'il te plaît. C'est surtout une question que j'ai Vis-à-vis des logements qui sont privatisés, justement, quelle serait la manière de répression, entre guillemets, pour libérer ces logements privatisés et les dispatcher à la population qui n'ont pas beaucoup de revenus, en fait? Parce que c'est vrai qu'à Paris, maintenant, tout coûte cher. On essaie de faire monter les prix et jarter les pauvres de la capitale. C'est une réalité. Donc, comment on fait? Je vais te répondre aussi en même temps. Pour toi, jeune homme, je vais te dire, tu m'as posé une très bonne question. Alors, comment faire pour pouvoir récupérer ces 3 500 000 logements qui sont vides, qui sont privatisés par la finance? Bah, tout simplement d'y aller à plus de 50 et de rentrer de force dedans. Ça serait une grande répression. Et de bloquer même aux expulsions. Et par rapport à ce que tu m'as dit, au calendrier, ce qui est vrai, malheureusement, je ne sais pas pourquoi ils n'ont jamais voulu mettre cette journée mondiale, parce que bon, c'est quand même le Secours catholique Caritas qui est quand même un des organisateurs, ainsi que refusdelamisère.org aussi. Et c'est vrai qu'on pourrait peut-être poser la question, une fois être là-bas, au Secours catholique et à l'organisateur principal Refus de la Misère, de lancer une campagne pour qu'on puisse avoir cette date sur le calendrier directement, et comme ça que plus personne n'oublie cette date. Merci. Quelqu'un a une intervention encore ? Je suis pas dans le bon axe. Là, c'est bon. Ouais. Seb, je suis venu te prêter main forte. Parce qu'après cet atelier-là, enfin, c'est pas un atelier, c'est une conférence, Sébastien, sur la misère. Mais après, tout à l'heure, on va se retrouver là, où j'ai installé le panneau avec la liste des gens qui s'inscrivent pour le relogement d'urgence, le logement d'urgence. J'ai pas de... Après 5 ans à la rue, relogement, c'est... Donc on pourra le faire tout à l'heure, Sébastien. Non, mais si vous serrez la main, si on s'en foutait... Là, tu vas en boss. Camille, tu peux expliquer vite fait ce que c'est, ce que tu es en train de faire? Ce que nous sommes en train de faire, le problème des sans-abri sur la place de la République, ça fait depuis 6 mois que finalement on lambine ou qu'on tergiverse. Donc là, réquisition citoyenne, c'est un des mots d'ordre de Nuit Debout. Ça a été validé dans maintes réunions, dont une récemment. Il y a plusieurs groupes qui vont entrer dans des lieux et passer les dates de précaution juridique, etc. Ça sera public ici, telle adresse. Et dans ces immeubles-là, il y aura au moins un étage à chaque fois, sinon tout l'immeuble. Mais il ne faut pas nacher, à mon avis, entre les bureaux et le logement collectif. Enfin, ça va être des pioles, ça va être des chambres à partager, des appartements à partager. Parfois des locaux à partager et avec des conforts minimaux. Voilà, là j'ai bien résumé. T'y es, Seb? On s'en parle après, bien, pour ceux qui sont concernés, qui sont sur la liste, d'ici ce soir, et tout le monde, évidemment, c'est transparent. Moi, par rapport à ce que Camille vient de dire, on est plutôt pas mal à vouloir, parce que vu que on arrive à rentrer dans pas longtemps, dans 2 semaines environ, on va rentrer dans une trêve hivernale. Alors, trêve hivernale, qui dit trêve hivernale, dit que... la nuit très froide, la journée très froide, et peu de déplacements qu'on pourra faire, parce qu'avec nos sacs, c'est pas si facile. Et oui, ouvrir des endroits, des immeubles, on peut en ouvrir énormément, mais c'est pas en étant 5-6 qu'on va pouvoir organiser cette ouverture. Il faut être en masse, et pour ouvrir des squats, il faut être minimum entre 15 et 20 minimum. Après, si c'est plus grand, on peut se ramener pour directement ouvrir et occuper directement au moment même un maximum entre 50 et 150 personnes. Là, on pourrait taper dedans complètement. Sauf que le problème, c'est que les gens ont peur de se mouiller maintenant. C'est triste à dire. J'ai du mal t'en parler, mais il y a une association qui s'appelle les Ouvertures du Cœur qui ouvre pour nous, qui gère, parce que c'est des professionnels, en somme c'est l'école du mètre carré citoyen, on va dire. Et donc, c'est la stratégie que tu proposes, ça peut se faire à des moments, bien sûr, pourquoi pas. Enfin, c'est, si elle est efficace quand on n'a pas, quand on a que celle-là, être le nombre. Mais avec l'association Les Ouvertures du Cœur, en quelque sorte, ça va être simple. Ce qui est simple, c'est pas de rentrer dans les lieux, c'est de les gérer proprement. Ulysse, tu nous trolles là aussi. Ulysse, tu nous trolles. Indéniablement, si t'as un truc à dire. Comment ? Ben oui, ouais, mais 2 minutes. Non. C'est 2 minutes, là. C'est sur quoi ? Non, sur la misère. J'avais beaucoup de choses à dire, mais je vois que je tombe pas au bon moment. Je m'excuse, je rends mon micro. Et si on me fera la place, j'en profiterai les moments venus. Merci de l'écoute. Alors ouais, je répète pour ceux qui n'étaient pas là, on est sur une thématique débat sur le refus de la misère qui se passera dès demain à 14h au Trocadéro sur le parvis de la paix. Voilà pour les nouveaux arrivants. Alors c'est aujourd'hui sur Radio Peuple, c'est une thématique débat sur la journée mondiale du refus de la misère qui se passe depuis vendredi sur la place de la République, mais aussi qui se passera à partir de 14h jusqu'à 21h demain, parvis du Trocadéro, côté Musée de la Paix. Voilà. Alors, quelqu'un veut parler ? Pour moi, il faudrait remuer les pouvoirs publics, surtout de la ville de Paris. La misère, elle est conçue ici parce que justement, ils acceptent n'importe quoi pour dresser la différence entre les gens qui sont modestes, les gens qui n'ont plus rien, qu'ils ont démunis, qu'on a tiré dessus. On ne fait que ça à longueur d'année. Il faudrait aller voir devant la mairie, faire les conditions suivantes, plutôt faire une manifestation massive contre la mairie de Paris. Il y a énormément de logements vacants à Paris. Et c'est les pouvoirs publics qui nous adressent quand même un certain calcul au niveau que ce n'est pas vrai, parce que justement, ils veulent spéculer au niveau du logement. Ils profitent du système et ils préfèrent justement que les logements ils soient fermés. Et plutôt, ils sont beaucoup plus intéressés par leur business, mais ils ne sont pas intéressés par les gens qui sont démunis. C'est ça qu'il faudrait remuer à la ville de Paris. La ville de Paris est vraiment à côté de la plaque. Et vraiment, ces gens-là, ils font semblant, ils font croire que, justement, on va rendre service à la population à Paris. Ils ne le font pas. Il faut leur adresser, les amender, les passer au tribunal. Il faut les porter plainte. Il faut aller, de toute façon, porter plainte contre des gens pareils qui profitent de la situation quand les gens sont de plus en plus démunis, qui n'ont de plus en plus rien, plus de situation, plus de travail. Plus de logement, étant donné que quand il n'y a plus de travail, effectivement, il n'y a plus de logement, on n'a plus droit à rien. C'est à partir de là qu'il faudrait adresser juste demande devant la mairie de faire le nécessaire, et à partir de là de faire les grandes manifestations, parce que moi aussi, j'en suis lassé de toutes ces conneries-là. Nous payons les impôts pour aider, pour le partage. Nous ne faisons que ça. De toute façon, tout ce que vous dites, c'est vrai. Mais tout ça, justement, qu'est-ce qu'il faut faire ? À savoir que bientôt, il y a les élections présidentielles. Ils ne vont pas remuer pour autant. Nous, il y a à faire attendre à tel. Et puis après, le changement, tout le monde, tous ces beaux mecs-là, que ce soit le Sarkozy, que ce soit Hollande, ils ont profité de la circonstance de dire, de toute façon, ce n'est pas un problème. On va vous régler tous les problèmes en France. Il n'y a pas de problème, on est pour tout le monde. Et en fin de compte, ils n'ont jamais été pour le monde là. Ils ont écarté plus de 70% de la de toute façon population. Voilà, donc ça c'est une chose que je ne supporte plus. Ça fait les 60 ans que j'ai vécu cette chose-là. C'est dans la misère. Maintenant, je dis, la misère, elle existe. Elle existera tout le temps. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, voilà, si vous avez... Si vous avez le de toute façon le caractère, le de toute façon le tempérament à embarquer tout le monde dans le même bateau pour se défendre, ça sera facile. Pour le moment, c'est pas tellement facile. Hein. À savoir qu'il y a des gens à côté qui vont en profiter encore plus. Savoir que plus que vous allez chercher pour essayer de rattraper la situation, ces gens-là, ils s'en fichent complètement. C'est ceux que justement qu'on voudrait qu'on vote pour eux. Maintenant, c'est fini. Moi, j'ai plus envie de voter. Non, je suis ici, je suis complètement lassé, complètement délaissé. Moi aussi, j'en ai subi, même dans le monde du travail, j'ai travaillé, j'en ai aussi subi. Et après, on me descend la retraite, maintenant c'est la retraite, maintenant on me descend la retraite. On nous prend pour des cons. Bientôt, je pourrai même plus payer le loyer, quoi. Voilà. Alors moi, monsieur, je suis, par rapport à tout ce que vous avez dit, oui, attaquer les services publics comme... on va sortir quelques noms, bon, en attaquant surtout Madame Hidalgo et principalement son adjointe des actions sociales qui s'appelle Madame Versini. Il se passe qu'on l'a déjà fait, monsieur, je vous rassure, on a été à plusieurs fois dans les bureaux de Monsieur Brossard et Madame Versini. Et on n'a jamais eu la chance de voir Madame Versini elle-même. Mais toujours, c'était son conseiller derrière. C'était son second. Et j'ai trouvé ça un petit peu difficile par rapport à de sa part, parce que ça se dit qu'elle est adjointe aux actions sociales, c'est-à-dire actions sociales, c'est tout relié. Et elle se permet de venir cet été, durant le mois d'août, ou le mois de septembre, je ne sais plus trop, venir se faire prendre en photo en face du casque rouge. Et le problème est là. Le problème est énorme par rapport à ça. On a un énorme problème, c'est que c'est vrai, comme je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, on est vraiment, vraiment bafoué par cette politique, parce qu'en fait, on nous promet, on nous promet, on nous promet, on nous promet, on nous promet. Et le travail est où ? Le travail se fait pas du tout. Ils préfèrent, comme monsieur l'a dit, se faire plaisir eux, parce que bon, ils se disent, bon voilà, je sors de l'ENA, je suis au pouvoir. Alors bon, maintenant, ce qui va devoir se passer, c'est que tout simplement, on va devoir les laisser, et puis on va se dire, bon, bah, ces gens qui sont dans la misère, ben, bah, on va les oublier complètement, on va les laisser de ce côté. Et, dans les années 80, quand Coluche il a commencé à taper du poing sur la table pour dire voilà, on n'a pas le droit de nous cacher, on n'a pas le droit de nous violenter moralement ou physiquement, ça dépend. Et ce qui m'a fait plaisir en cette époque-là, au moins, les gens étaient là vraiment encore solidaires par rapport à ça. Bon. On peut voir que maintenant, que ça soit à la gauche comme de droite, moi je vais vous annoncer que j'ai jamais voté, je ne voterai jamais pour des connards, parce que ce que je veux, c'est que tout simplement, ça soit nous-mêmes qui devrait être chef de notre pays. C'est-à-dire, chacun décide de faire ce qu'il a envie, mais tout le monde décide ce qu'il a envie, mais reprenne une sensibilité de solidarité. Voilà. S'il y en a d'autres qui veulent prendre la parole. Oui, tu dis les bafoués par les pouvoirs publics, mais c'est même, enfin, il y a même un mépris en fait, un mépris total qui fait que les choses se poursuivent. Et donc moi, je suis tout à fait d'accord avec le fait du coup de faire des actions directes. Voilà, ne plus passer par demander, s'il vous plaît, voudriez bien faire quelque chose pour nous. Non. Et par contre, du coup, la question que j'avais par rapport à ces actions directes, c'est est-ce que vous avez des soutiens judiciaires ? Est-ce que vous avez des contacts, justement, au niveau de, bah, je sais pas, des avocats, enfin des personnes qui, justement, pourraient vous soutenir sur ces logements que vous allez investir pour, voilà, monter avec vous, si jamais il y a un souci en face, pour vous aider à créer un dossier et faire traîner un peu les choses et voir utiliser, du coup, ce qui est promis par les pouvoirs publics contre eux-mêmes. Enfin, contre eux-mêmes parce qu'ils ne le font pas, mais est-ce que vous avez des contacts ou des soutiens à ce niveau-là ? Adèle, je vais te répondre, Adèle. Il se passe que non, on n'a pas pour le moment, parce que bon, c'est assez difficile, pour des personnes à la rue, de pouvoir avoir des avocats, parce que bon, il y en a beaucoup qui ne prennent pas en compte ce truc, le système de pouvoir avoir l'aide juridictionnelle. C'est énormément d'avocats maintenant qui le font pratiquement plus. Et si on veut s'attaquer au service public, au niveau des avocats, c'est mieux d'avoir des gros avocats du barreau international parce qu'en fait, c'est des avocats. Bon, il y a quelqu'un qui m'a présenté un avocat que j'ai son contact, qui s'appelle Maître Bourdon. Il s'est occupé à l'époque, au moment du génocide de Bosnie, a envoyé le gouvernement, a déposé une plainte et a envoyé le gouvernement pour meurtre avec préméditation. Et il se passe que le problème, il est là. Alors, moi, par rapport aux avocats, ouais, je voudrais bien qu'on en ait une bonne équipe pour être tranquille. Une équipe d'avocats pour, d'un côté, si on veut faire une occupation, bah, au moins, hop, on est tranquille. C'est ce qu'on a décidé. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de créer le week-end refus de la misère sans avoir d'autorisation de préfecture. Ouais, c'est pour ça que nos amis des forces de l'ordre, les chiens 15-9 qui viennent aboyer, bah, nous dégagent. Parce que voilà, soi-disant, c'est interdit de camper sur une place publique. C'est ce qu'ils nous ont dit hier. Et le truc qu'on devrait faire, c'est pas, comme je le disais tout à l'heure, on a essayé avec 3 tentes, bon, ils nous ont délogés, on n'était pas assez. Ils venaient quand même avec 4 véhicules minimum. On a eu hier matin, on a eu exactement 18 policiers en comptant la municipale et la nationale. Pour combien? Pour 6 personnes et 3 toiles de tente. Très marrant. Merci aux chaînes Cazeneuve. Il se passe que, tiens, t'as de la batterie, mon poteau? T'as de la batterie? As-tu de la batterie, s'il te plaît? T'inquiète, tu peux me mettre sur Facebook. Alors, en fait, suite à l'expulsion qu'on a eue hier matin, bah, on s'est organisé, il y a moi-même et Alan qui est sur l'accueil, où on est en train de distribuer, non, il est juste là. Et en fait, on a écrit un petit message à M. Cazeneuve. Alors, est-ce que je vais le retrouver? Je vais faire comme ça. Excusez-moi pour l'attente, mais il faut que je le retrouve quand même. Le voici. Alors, tout simplement, on s'est dit, pourquoi pas faire une petite lettre ouverte à monsieur Cazeneuve sur la page Facebook et Twitter et toutes les pages qui pourraient être, où on pourra le balancer, ça serait magnifique, et le partager tous ensemble. Alors, tout simplement, on a écrit comme ça: cher monsieur Cazeneuve, nous t'envoyons cette lettre car tu as apparemment oublié la démocratie. Depuis plus de 20 ans, la journée du refus de la misère est un événement mondial et permet de dénoncer tout ce que tu cherches à oublier. Tu profites d'un état d'urgence abusif pour renforcer le pouvoir policier alors qu'il devrait être déclaré à la place un état d'urgence sociale. Nous avons installé nos tentes hier et nos bâches sur la place de la République à Paris pour manifester notre refus de la misère. Nous, les sans-logis, les sans-papiers, les réfugiés migrants, nous voulons occuper cette place tout un week-end avec nos tentes. Ce matin, un quart de policiers municipaux est venu nous demander ce que nous faisions là à 5 heures du matin. Nous leur avons expliqué notre volonté de refuser la misère. À 7 heures, ce sont 2 policiers de plus qui nous réveillaient pour nous demander de dégager. Les tentes forcées à nous lever, nous avons été secoués et avons commencé à ranger nos affaires. Une demi-heure plus tard, un nouveau quart de police arrivait sur la place de la République. Pour nous menacer et faire pression, les policiers se sont des ordres, semble-t-il, pour évacuer Nuit Debout. Tout simplement, une heure plus tard, un nouveau escadron de policiers arrive, avec l'apparition d'un policier gradé afin de déplacer des sans-logis manifestant leur refus de la misère. Cela sur une place quasiment vide. On était 6, peut-être quelques pèlerins en plus sur le reste de la place, mais bon. Alors, où j'en étais? Voilà. Chaque jour, les sans logis subissent une répression insoutenable, dépouillés de leurs biens, menacés, déshumanisés. C'est pour nous un moment important et nous espérons sensibiliser tout le monde à notre détresse. Cher monsieur, cher Bernard, nous reviendrons ce soir et demain avec nos tentes, car le week-end n'est pas terminé. Nous déclarons que tu nous laisses manifester notre refus de la misère, défendre nos droits civils et humains, et nous ne pourrons pas déclarer cette manifestation car nous n'avons pas d'adresse ni de logis nécessaire à l'organisation d'une manifestation. Merci à toi, citoyen ministre de l'Intérieur, pour l'intérêt que tu nous ferais manquer d'avoir à notre considération. Alors, cette petite lettre est en train de tourner, vous allez sur Commission sans logis. Commission SDF, Nuit Debout, République, hashtag Paris République, plutôt. Et tout simplement, vous allez sur la publication directe, il est publié. Je vous demande de le liker, de le faire passer à tout le monde. Et tout simplement qu'on puisse dorénavant se rassembler tous ensemble sur une place publique et dire on refuse tous la misère parce que 55% de la précarité, c'est ce qu'il y a en France. C'est 45%, c'est eux qui arrivent un petit peu à plus s'en sortir. Voilà. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais des médias. Je crois qu'il est là le problème. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui compte, c'est la communication. Et les politiques se bougent que si on parle d'eux, en bien ou en mal. Et je me rappelle de Coluche, justement, qui avait fait une conférence de presse à propos d'un spectacle qu'il devait donner, je crois, à Paris. Et à un certain moment, les journalistes lui disent « Oui, mais vous critiquez toujours les médias, mais quand vous avez besoin, vous nous appelez pour votre business. » Alors il a répondu, dire oui, parce que si je parle business, vous venez. Si vous avez appelé en disant on va faire un spectacle ou quelque chose pour les SDF, vous ne serez jamais venu. Et c'est là le problème. Tant qu'il n'y a pas les médias, tu peux faire toutes les manifestations que tu veux. Si on n'en parle pas, ça n'existe pas. Et ils essaient toujours de nous provoquer à la violence, parce que quand il y a de la violence, on en parle. Mais pour critiquer. Alors comment il faut faire? Alors oui, comment faut faire? Très bonne question. En sachant que les médias, comme là derrière, à ce que je vois, il y a une certaine voiture qui va pouvoir filmer la manif pour tous. Cette voiture, si je ne me trompe pas, c'est BFM TV. Alors simplement, c'est déjà une chaîne télé capitaliste, excusez-moi. En fait, toutes les chaînes télé sont plus concentrées sur un mouvement qui, comme là, la manifestation pour tous qui va bientôt démarrer, pour pas mal de trucs comme ça, mais pas suffisamment sur le système au niveau de la misère. Parce qu'ils se disent, bon ben voilà, ils sont dans la misère, alors... on s'en fout, et puis bon, vaut mieux cacher ça, parce que voilà, c'est plus important, et ça permet de pouvoir dire, vous inquiétez pas, messieurs, dames, on est en train de gérer la solution d'aider les personnes à la rue. Sauf que non, comme monsieur l'a dit tout à l'heure, moi je paye pas d'impôts, parce que voilà, mais ceux qui payent des impôts tous les ans, il se passe que tous les ans, ces impôts-là, normalement, permettent à pouvoir aider et financer des endroits où il y a des locales pour les gens de la rue. Sauf que le problème, non. Ces impôts-là, ils ne vont pas là-dedans. Ils vont simplement soit dans leur poche, ou sinon, à pouvoir fabriquer des nouvelles armes pour pouvoir les revendre ailleurs. Et empocher des milliards et des milliards d'euros. C'est ce qui s'est produit avec l'Inde. Comme avec la Syrie, comme avec aussi pas mal de pays. Et il se passe que moi-même, tu m'as posé une grande colle, parce que même moi, je ne sais même pas comment faire pour qu'au moins, on ait les médias avec nous. C'est ça le truc. Moi, de mon côté, j'ai remarqué que il y avait eu une disparition de la solidarité qui avait de moins en moins... on laisse la solidarité aux autres, comme si c'était quelque chose qui n'avait pas de sens. Et je pense que on doit être capable de tirer cette solidarité vers nous plutôt que de la laisser aux autres, de demander aux autres de s'en occuper. Je pense que c'est essentiel que cette solidarité, on s'en empare, on l'attire vers nous, plutôt qu'on soit dans un modèle où on la laisse aux autres. On la laisse à l'État, on la laisse à n'importe quoi. Et du coup, voilà. Ouais, comme Alan il a dit, bon, moi je suis entièrement d'accord de pouvoir, parce qu'en fait il se passe que on s'est organisé, ça fait un mois et demi que j'ai lancé l'événement, et en fait je l'avais lancé sur la place parce que bon, en étant complètement dans la misère, bon bah je me suis dit voilà, faut que je crie, simplement un appel au secours, à pouvoir venir m'aider pour tracter, pour se rassembler, pour débattre, pour se connaître. Aussi pouvoir après il va avoir ce soir normalement, je vais essayer de voir si c'est possible qu'on puisse faire une petite AG sur la place de la République pour le refus de la misère, et que chacun prenne le micro et dise ce qu'il pense par rapport à ça. Parce qu'on pourrait savoir à peu près combien de personnes peuvent comprendre le refus de la misère, qu'est-ce que c'est simplement dans ce mot-là. Voilà. Il peut y avoir une misère financière ou matérielle, mais on a beaucoup plus et qui nous fait tenir tous les jours. C'est simplement dans notre intérieur. Oui, on est peut-être dans la misère, mais qu'est-ce qu'on est heureux dans l'intérieur ? Et je peux vous dire, je me sens super heureux en étant à la rue. Parce que j'ai pas besoin de prévenir 2 mois avant mon propriétaire pour dégarpir. Non. Je peux partir à l'abordage de n'importe où, du jour au lendemain. Et il se passe que je vois que les gens qui partent au travail tous les jours, c'est hallucinant. Et des fois je le vois et j'en pose la question, je fais oula ? Des gens qui veulent pas aller travailler, qui sont tristes pour d'aller travailler. Oui, parce que vous êtes rentrés dans un système. Nous, on est hors système, on ne veut pas de ce système de métro, boulot, dodo, ou je ne sais pas quoi. Je veux profiter de jusqu'à temps que peut-être je partirai. Et il se passe que une fois que on arrive à la fin, bah c'est pas nous qui décidons. Et il se passe que je m'étais un petit peu perdu, et je remercie mon frère, mon meilleur ami, je pense, au parler. Cette personne qui est pas si bête que ça, et pourtant qui a beaucoup voyagé, qui m'a appris beaucoup en m'ouvrant moi-même. Et je vais remercier, un grand merci à Abdou. Parce que c'est lui-même qui m'a appris avec des paroles de sagesse de remonter la pente et de se dire voilà, peut-être oui je suis dans la rue, oui je suis dans la merde, oui je suis dans la misère, mais il n'y a que lui là-haut qui me fait avancer. C'est juste ça. Pensez à ça, principalement. Parce que ça peut vous faire avancer beaucoup plus vite que vous croyez. Merci. On lance un appel pour le prochain intervenant. Si Patrick pouvait venir se manifester. C'est toi. Bon, on finit avec lui. Vas-y. Tiens, Alice, c'est à toi maintenant. Je vais être long. Hein. Ah oui, pardon. C'est à toi. Ah bon. je ne suis pas prêt, je dois sortir mon... Hein? Il est bien après. Oui, bah après je te... Bon, ça rapide quand même. Oui. Bonjour à tout le monde. Bon, je m'élève pour vous parler quand même. Et donc, j'avais fait une proposition au moment où on parlait de l'état d'urgence, de remplacer l'état d'urgence militaire par l'état d'urgence contre la misère. Ma proposition, je ne sais pas, peut-être si elle est passée inobservée, peut-être, hein, mais il me semble que c'est une approche assez, assez correcte. Alors, je ne suis pas d'accord sur la fatalité de la misère, mais de l'élimination de la misère, j'en doute un peu. Tout est relatif et ça dépend de la point de vue qu'on adapte. Mais c'est un problème quand même de fond, et comme un problème de fond est fondamental. Et je crois et je suis convaincu que les naufragés de la mer, les naufragés de la société, les derniers wagons du train, les rejetés du voyage, voilà. La vie est un voyage, les rejetés du voyage sont ceux qui tombent et qui ont du mal à se relever. C'est un problème universel, pas seulement de la place de la République, pas seulement des rues de Paris, hein, mais n'importe quel pays produit de la misère. Et il y a même des théories qui ont démontré que la misère est signe de richesse. Et c'est vrai que dans les pays très pauvres, tout le monde est misérable, donc ça ne se voit pas. C'est dans les pays riches qu'on voit la misère. Voilà, il y a ce contraste-là qui a un point de vue qui brise la personne qui est dans la misère. Donc, je reviens, les faibles, les incapables, les exclus, les refusés, les regrettés de la société, les rejetés de la société, les déchets, c'est l'horreur. Les sacrifiés, les victimes du modernisme, de la vitesse, dell'accélération, allora là c'est un problème, c'est-à-dire demander en toi, c'est quelque chose, je reconnais que c'est fondamental, mais ça ne suffit pas. Disons que c'est quelque chose qui concerne la société dans son ensemble. Vous avez parlé de solidarité et effectivement c'est un aspect de la solidarité dell'homme. Il n'y a pas de société s'il n'y a pas de solidarité. C'est le ciment même de la société. C'est les rapports, la solidarité, c'est le rapport entre les faibles et les forts. Mais ces rapports-là renforcent les forts par les faibles et renforcent les faibles par les forts. C'est toute une philosophie de la vie qu'il faut changer, un point de vue de la société, de l'esistence même. Donc, j'avais proposé il y a quelques jours de réclamer un ministère de la misère. Il faut faire le courage pour le faire. Il faut faire le courage du gouvernement pour l'accepter. Il faut faire le courage du candidat pour le présenter. Mais c'est la solution, puisqu'il s'agit, tous ces gens qu'on dit sans dents, etc., c'est la base même, sont en bas, c'est en bas qu'il y a les fondements. Et c'est en solutionnant, en donnant une solution en bas, qu'on édifie la société. Et c'est important, parce que là où on voit une punition, on voit un défaut, on voit une erreur, c'est une richesse. Et on peut changer la misère à richesse si on trouve des solutions. Ce sont des solutions concertées, des solutions qui prendront du temps. Hein. Les toits, c'est l'essentiel, mais il y a eu la loi Dalloz, si je ne me trompe pas. Hein. Alors, à quoi bon si on n'a pas changé les mentalités, hein. S'il n'y a pas d'avocat pour vous défendre, hein. S'il y a une indifférence totale, s'il n'y a pas d'urgence, c'est l'état d'urgence qui doit vous sortir. Vous êtes dans l'urgence, parce que chaque jour qui passe, vous naufragez plus. Vous avez des défauts qui s'installent, des attitudes, des comportements, un langage qui s'appauvrit, la communication qui devient difficile. Moi, par expérience directe, j'y suis passé, je sais ce que c'est, l'horreur. Mais ça ne suffit pas de le dire, il ne suffit pas de refuser, il faut agir et se révolter. En certain sens, non pas s'agiter, hein, mais être ferme sur un principe. Une seule demande, un ministère, un budget et prendre à bras les corps. Il y a des enseignements à tirer de ces choses. Ils n'en profitent pas parce qu'ils sont des ignorants, bien qu'ils qu'on a affaire à des savants, la recherche, les sociologues, et ceci et cela, et des titres, et des chaires à l'université, mais personne qui voit que d'un problème, on peut sortir un résultat. Et le résultat, c'est un avantage pour tout le monde. C'est une façon de changer de point de vue. Un handicap peut être transformé en un avantage. J'ai connu des gens, je fais un exemple, je m'excuse, d'un handicapé dans cette terre particulière, les brancardiers. Les brancardiers sont ceux qui poussent les fauteuils à roulettes dans les couloirs des cliniques. Bon, je les ai toujours attendus. C'est un domaine très difficile. Ils parlent entre eux, ils s'amusent, ils s'intéressent parce qu'ils font des paris sur les matchs, etc. Mais j'en ai connu un qui est venu me chercher dans ma chambre et il était boiteux. Quand il m'a sorti de la chambre, j'ai eu peur parce qu'il conduisait des fauteuils à roulettes. Une devant, une derrière, il dépassait les autres, impeccable, aucun accident, et avec sa jambe qui faisait comme ça, il allait plus vite que les autres. Il avait tout compris et transformé un handicap en avantage. Il y a une difficulté de langage. On peut créer chez les gens de la rue, et je n'ai parlé à Sébastien ici présent, pas à Seb, mais Seb a eu un écho, parce qu'il m'a dit, tu devrais t'occuper des enfants de la rue. J'ai dit, non, je vais m'occuper des SDF. Parce que c'est par là que je vais commencer ma pédagogie. C'est par là que je vais essayer de faire une université populaire. Et quand je dis université, je dis éducation, éducation pop, je vais dire la pédagogie. Tout un problème de pédagogie. Les SDF nous apprennent des choses. Il faut aller à la rencontre. Il faut les embrasser. Voilà. Merci à toi, Ulysse. Bon, moi, je vais te répondre un petit peu à ce que tu viens de dire. Ouais, on peut l'applaudir parce que, voilà, c'est un grand monsieur. Alors, Ulysse, par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport à créer un ministre du refus de la misère, s'organiser, agir complet, directement, c'est ce qu'on fait depuis vendredi. Vendredi, il s'est passé qu'on a invité tout le monde. Il y a eu des affiches, il y a eu des tracts de lancer, il y a eu tout ça. Il y a eu sur les pages internet aussi. L'événement sur République qui a été lancé, il se passe qu'il y avait écrit « Ramène ta tante » pour camper sur la place de la République. Sauf que tout simplement, allez, il commence à faire froid ou il commence à pleuvoir, tout le monde commence à vouloir rentrer chez soi. Alors, il est là le problème. C'est pour ça que je te dis, le premier mot qu'on peut avoir pour retrouver une nouvelle société, c'est d'être solidaire. Et c'est le mot solidaire qui vient avant société. C'est pas société qui vient avant la solidarité. Et derrière, il se passe que on pourrait, oui, passer par rapport à la politique, ouais, avec un ministre ou avec quelque chose comme ça. On a déjà un adjoint au maire qui travaille pour ça. Il existe des adjoints au maire. Il existe aussi le ministre aussi du logement et de l'action sociale, qui est au niveau d'Invalides. Il y a plein de trucs déjà de créer par rapport à tout ça. Après, il se passe que là maintenant, ce qu'on devrait, pour se faire entendre et que tout simplement faire une simple pétition dans toutes les villes de France, et que tout simplement, il va se passer que avec cette pétition, je pense que ça peut-être pourrait marcher 10 fois mieux. Ou sinon, faire comme dans certaines villes en ce moment, qu'ils ont fait, et bravo à eux, à Toulouse. Ça fait depuis 2 semaines et demie, 3 semaines, qu'ils sont devant le bureau principal du 115, du SAMU social. Ils campent en toile de tente, ils ont coupé la rue, et ils sont devant. Ils sont venus en masse. Il se passe que ici, le 115, normalement, le bureau du 115 à Paris, il est pas très loin, il est entre Porte d'Orléans et Montrouge. Et il se passe que il y a Rennes aussi qui s'en occupe, qui font une occupation par rapport à la misère, parce qu'il y a énormément. Il y a Montpellier aussi, qui sont en train de se révolter. Moi je souhaiterais, même si on est une grande ville, on est quand même la capitale de France, je suis d'accord. Mais derrière, faut la capitale. Pourquoi on dit capitale? Parce qu'il y a tellement de trucs qui existent sur la finance. Voilà pourquoi on dit capitale. Et moi je dirais plus, allez, que Paris se lève et se dise, bon maintenant il y en a marre de tout ça. On veut une solidarité pour changer une société. On veut tous se réunir dans les rues, où est-ce qu'on veut, quand on veut, sans déclarer, à la préfecture ou à la mairie. Parce que tout ça, ça ne sert à rien. Ils vont nous faire quoi? Comme d'habitude, les manifestations, une fois qu'on déclare, ils nous donnent un point à un autre point. Nous, ce qu'on veut, c'est pas d'aller un point à un autre point. Nous, ce qu'on veut, c'est d'aller chercher tout le monde qui peut avoir aux alentours aussi. Et ça, c'est le plus important. Alors, bon, je pense que... Tu voulais parler, Matt? Vas-y, Matt, y a là. Ah, il y a la parole là. Ah, ouais. Mais Gilbert, derrière l'avant. Mais de toute façon, il y a une autre personne derrière et après on arrête. Ah. Bon, moi personnellement, je n'ai pas grand chose à rajouter, si ce n'est quand j'entends parler, bon, d'avoir les médias avec nous. Il y a quand même tous les réseaux sociaux qui passent sur Internet, et je suis étonnée que, avec tous ces réseaux sociaux, il n'y ait pas cette foule qui se déplace. Donc je me dis, comment se fait-il? Parce que quand j'entends des amis qui me disent oui, moi j'ai 500 amis sur mes réseaux sociaux, comment se fait-il que cette personne n'arrive pas à faire bouger ses 500 amis? Donc je pense que si on a des médias, je ne sais pas si les médias pourront faire que ça va être encore un peu plus. Et je voulais rejoindre Ulysse quand il parlait de ministère de la misère. Moi je m'étais dit, pourquoi il ne peut pas y avoir un ministère du citoyen? Voilà. Alors je vais te répondre par rapport à ce que tu viens de dire. C'était quoi déjà, mince? Oui, voilà. Par rapport aux médias, par rapport à tout ça, on va dire que à cette heure-ci, si on ne se trompe pas, souvent quand on partait en manif, on voyait souvent les médias. Pourquoi? Parce que c'était les syndicats qui les appelaient. Et là, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est, du moins à quelques-uns, on a voulu faire un appel que même les syndicats pouvaient venir sur la place et camper sur la place. On a vu les principaux d'habitude qui étaient là hier soir, mais on voit très bien que les syndicalistes comme la CGT et tout ça, à part la CGT chômeur, qui eux sont souvent sur la place, hein, bien sûr, mais les autres syndicalistes, dans ma tête, tout simplement, ils se disent non, nous c'est quoi, on est des travailleurs, alors on se bat pour le travail. Et il est là le problème. Et franchement, si on aurait eu les syndicats derrière nous pendant tout le week-end, je pense très très bien que par rapport aux forces de l'ordre, ça allait être un combat très dur pour eux. Et s'il y a des gens qui font partie des syndicats CGT, Solidaire, Sud, FO ou n'importe quoi, je vous appelle à venir nous rejoindre sur la place de la République pour refuser la misère tous ensemble. Merci encore. Donc là, on a le dernier tour de parole et après, on va passer à l'intervention de Patrick. Bonjour à tous. Donc moi, je suis comme Sébastien et mes amis, on dort tous dehors. Donc moi, je pense que en France, il faudrait s'attaquer aux agences immobilières. C'est vrai que c'est un gros chantier, mais il faudrait le faire parce que c'est grands groupes qui capitalisent, qui gèrent des millions et des millions. Et quand vous allez les voir Et moi, dans mon malheur, je dors dehors, c'est vrai. Mais j'ai de la chance quand même de travailler et d'avoir un peu de revenus. Et j'ai déjà été les voir pour louer une simple chambre. Hein. Et ils m'ont tellement demandé de garantie, malgré que j'ai des revenus, que je les ai insultés et je suis parti quoi, en colère. Quoi. Mais bon. Donc moi, je pense qu'il faudrait s'attaquer à ce système et à l'obtention des logements sociaux en France, qui est aussi un scandale. Parce que moi, j'ai un exemple bien précis. C'est ma mère. Elle a été prof de français. Elle a fait toute sa carrière vers Bordeaux. Bref, elle a gagné son salaire, tout ça. Elle a perdu son mari, mon père, en 2005. Donc, on a dû quitter la maison qu'on avait grâce à l'armée, parce que mon père était militaire. Et donc, comme on ne payait pas de loyer, bon, bref, après, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ma mère, après, elle a fait une demande de logement social. Et ce logement social, elle l'a obtenu il y a 4 mois. Pourquoi ? Parce qu'elle vient d'être retraitée. Et maintenant, elle est à la retraite depuis 4 mois. Et c'est sa retraite qui a débloqué l'accessibilité à ce logement. Moi, j'ai trouvé ça scandaleux. Personnellement, à savoir que la retraite d'un prof de français, c'est... excusez-moi, mais ma mère, elle roule pas sur l'or. Hein. Voilà quoi. Donc moi, je voudrais vraiment qu'on s'attaque à ce problème. Parce que vous allez voir dans Paris, là, à 5 minutes d'ici, boulevard Voltaire, derrière nous, là, il y a des dizaines et des dizaines d'agences immobilières. Juste, vous regardez les prix qu'ils demandent sur les vitrines. Et à chaque fois, c'est 5 ou 6 appartements, il n'y en a pas plus. Hein. Le moins cher, c'est 1200 euros. Hein. Le moins cher. Hein. À savoir que moi, quand j'étais les voir, ils m'ont demandé 3 fois le loyer, plus un garant, plus un mois d'avance. Donc, j'aurais dû aller à l'agence avec 5000 euros. Ils m'auraient dit, oh, tenez, monsieur, c'est bon. Donc, moi, quand je suis arrivé dans l'agence, j'ai tout de suite senti la dame, elle était réticente et tout. Et moi, je suis monté en pression parce que, bon, je trouve pas ça normal. Et elle a commencé, ouais, je vais appeler les flics et tout. Je lui ai dit, mais appelle les flics si tu veux, ça va changer quoi? Moi, je lui ai dit, je vais dormir encore dehors et toi, tu iras dormir chez toi au chaud. Et je lui ai dit, voilà. Donc, moi, il faudrait vraiment qu'on s'attaque à ce système et aussi aux gros propriétaires qui ont des dizaines et dizaines d'appartements dans les plus grandes villes de France et qui louent ça qu'aux personnes qui ont des gros salaires. Quoi. Donc ça, c'est pas normal. Voilà. Merci à tous. Alors, merci à toi. Donc Seb, maintenant tu vas conclure et on va passer à Patrick. Alors, je vais rajouter vite fait un petit truc sur ce que Mathieu il a dit. Il faut savoir aussi que pour les logements sociaux, il y a une attente entre 5 et 10 ans d'attente. À part si vous êtes prioritaire, que vous avez des enfants et que vous êtes, c'est la priorité d'abord. Ça veut dire que tout simplement derrière une femme isolée ou un homme isolé ou même un enfant isolé, un enfant, quand je dis un enfant, c'est un jeune adulte. Et je pense que moi, je suis plutôt d'accord qu'on tape dans les agences immobilières, chez les grands propriétaires, qui ont des milliers d'appartements un petit peu partout dans le monde, dans toute la France entière, et aussi d'ouvrir tout ce qui est abandonné, parce qu'il faut savoir que aussi sur l'avenue de la République, vous remontez un petit peu plus haut vers Parmentier, vous avez un café qui est complètement abandonné depuis plus de 5 ans. Alors bon, voilà. Et bon, maintenant, je vais conclure par un seul petit mot de rappel, c'est-à-dire que si on veut changer une société, soyons d'abord tous solidaires sur une misère totale, parce que la misère peut être chez nous les sans-logis, peut être aussi chez vous les précaires qui travaillent ou les étudiants, parce que on n'est plus dans le système. Et c'est ça qu'on devrait retrouver. C'est-à-dire, pour recréer une nouvelle société, faites passer le mot, retrouvons une solidarité d'abord. Merci à tous et on vous invite à venir ce soir camper avec nous si vous le souhaitez. Au revoir et merci. Donc, merci beaucoup Seb pour ton intervention. Du coup, on va passer à l'intervenant d'après. Donc c'est Patrick qui va venir nous parler de misère et d'écologie. Pour vous rappeler un petit peu le format de Debout Éducation Populaire, on est là le vendredi soir, le samedi et le dimanche. Et là, du coup, aujourd'hui, on est sur une journée thématique sur la misère, parce que demain, il y a une journée contre la misère qui est internationale et qui a lieu tous les ans. Donc, on a à peu près 20-25 minutes de présentation. On est un peu en retard, beaucoup. Et ensuite, on passera au débat. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher, à vous asseoir, à intervenir. Tout le monde a la parole ici. On va essayer de réduire, hein. On va essayer. Alors,